Mike Six Transfer Cargo de Serge Kadima Mami Bosela Gouve Mwana Zamba Ferro Chanda Denis Belou Nabo Sanite Mokolo Alibo Soto Koutana Kanaya Esalaka Mokolo Yango Incerte Sa Medina Blasa Note Londongo Mokoye Ceci est comme si la isote n'a pas eu de conflit comme un acatia bolingo. N'a limite. Il y a un isote et n'y a pas ma grosse gaz. Vraiment faux, pas la bouille, pas ta cama dans la chambre posée. Chambre confortoire, y'a si rotel en homme en bon quoi. Ma bouille n'a pas sonné la yo. Mokonzi, elle est ma ada. Chambre confortable, hotel londongo mokwa. Na boy na mako swanela yo. Établissement escasse, prison samouraï. Garage, pesa, pecho, maître Vicky. Samedi hotel londongo mokwa. Samedi mo bali na mokwa. Yali bosona bina me. Yango ye bande na mokwa ina mo. Yeah. Johnny.